Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est samedi, c'est Fred, c'est l'heure de Dr Disco et Mr Funk. On va démarrer l'émission à 100 à l'heure avec la découverte The Gap Band. Le morceau a un rythme assez rapide, vous allez voir, et il est sorti en 1980. Le groupe est américain et connaît le succès dans les années 70 et 80. Leur nom fait référence à trois rues, Greenwood, Archer et Pine Street, de leur ville d'origine, Tulsa dans l'Oklahoma. On va écouter Burn Rubber on Me, démarrage sur les chapeaux de roue. We'll be right back. Alors la double dose aujourd'hui, on va la consacrer à Luther Vandross. Pour une fois, il ne s'agit pas d'un pseudo, mais de son vrai nom. Il est né en 1951 à New York et il a vendu plus de 25 millions d'albums durant sa carrière. Il va commencer par être choriste pour entre autres David Bowie, Barbara Streisand et Sister Sage. Il va chanter aussi sur le premier album de Chic en tant qu'invité spécial sur le titre C'est Chic. Sa première consécration viendra de la chanson Glow of Love qu'il interprète avec le groupe Change. On a déjà diffusé d'ailleurs cette chanson, rappelez-vous. En 1981, il sort son premier album Never Too Much, qui sera disque de platine. Il va collaborer ensuite avec les plus grands comme Aretha Franklin, Diana Ross, Whitney Houston et Frank Sinatra. Il sort des albums en moyenne tous les deux ans jusqu'à son décès en 2005. Le titre Endless Love, en duo avec Mariah Carey, sera l'un de ses plus grands succès et un home-site de ces derniers. Il y a un succès posthume avec la chanson Shine qu'il fera connaître à la nouvelle génération. Alors je vais vous proposer d'écouter Never Too Much et Shine. Fadjet, à Nancy, sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. show me what you got. Start to be on, baby, non-stop. Tonight you're gonna get your time to shine. Nobody but stars in here tonight, dancing underneath the party light. When I see you working that body right, tonight you're gonna get your time to shine. I've been waiting, now I'm ready for the main event. All the ladies and the players in here just to kill. I've been waiting, now I'm ready for the main event. All the ladies and the players in here just to kill. Choose a winner who has flavor, looking out for style. Only the best can pass this test, let me check you out. In the midst of a fierce competition, get a view from a better position. Keep showing me moves that are blazing, cause you're teasing my imagination. Don't believe I can fight temptation, I think you are real. So come on and show me what you got. Start to be on, baby, non-stop. Tonight you're gonna get your time to shine. Nobody but stars in here. So come on and show me what you got. Start to be on, baby, non-stop. Tonight you're gonna get your time to shine. Nobody but stars in here tonight, dancing underneath the party light. When I see you working that body right, tonight you're gonna get your time to shine. For someone special, could you be the one? If you're not, then don't get jealous, just keep moving on. Spotlight search for someone special, could you be the one? If you're not, then don't get jealous, just keep moving on. Feet to the beat, so hot the heat's bringing out the shine. So clean, so fresh, a real good kick, so I might make you mine. Showing me moves that are blazing, cause you're teasing my imagination. Don't believe I can fight temptation, I think you are ready to you're show. You're paying me to give it up, so come on and show me what you got. It's about to be on, baby, non-stop. Tonight you're gonna get your time to shine. Body but still to give it up, so come on and show me what you got. It's about to be on, baby, non-stop. Tonight you're gonna get your time to shine. Body but stars in here tonight, dancing underneath the party light. C'est l'heure du maxi, là. Je vais vous proposer Carole Gianni avec son Hit and Run Lover, sorti en 1980. La chanteuse, elle est née, elle a grandi au Nigeria, puis ensuite, dans les années 70, elle décide de partir au Canada pour faire des études universitaires. En 77, elle passe une audition où elle se fait remarquer par sa voix puissante. Et c'est là que le succès va arriver. Il faut noter que sur son album figure un autre tube, Mercy. On le passera un jour, promis, juré, craché. Samedi, c'est Apéro Disco sur Fadjet. Alors pour l'instant français, on va bien reprendre une petite tranche de Sheila. Souvenez-vous, lors de notre premier rendez-vous, nous avions écouté Space. Un autre titre a aussi fait sa renommée, c'est Love Me Baby. Il est sorti en 1977. Elle va l'interpréter avec un groupe inconnu en France, SB Devotion. Le S signifie Sheila, le B pour Black Devotion. Pour la petite histoire, Sheila a d'abord sorti ce single incognito, en omettant la mention Sheila sur la pochette, car je crois que son producteur il n'était pas trop ok pour qu'elle chante en anglais. Plus tard, tout le monde ayant reconnu la voix de la chanteuse, c'était plus un mystère, et comme ce tube faisait un carton, bah, elle s'est dévoilée au grand jour, elle a rajouté la maline, son nom sur la pochette. C'est parti. Devotion, I see tenderness in your eyes. Alors la pépite, c'est le moment que vous attendez tous, j'en suis certain. Aujourd'hui, un groupe mythique, Village People. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous passer ? Alors je vais prendre un pari, c'est que cette chanson, vous ne l'avez pas entendue souvent. J'ai choisi Ups and Down, apparu sur l'album Cruising, sorti en 1978. Alors vous allez entendre des coups de laser. En pleine période de sortie de Star Wars à l'époque, ça faisait bien. Allez, faites-vous plaisir. Free, yeah. Whoa. On arrive doucement à la fin de notre rendez-vous. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine, samedi prochain. Je vous dis bonne soirée, bon dimanche, bonne semaine. Bye bye.